quand on fait la philosophie, on oublie s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'en dit quelque chose, méchant ou quelque chose. On oublie tout ça dans la philosophie, on pense des autres choses. Ça devient tout à fait intéressant. Mais c'est plutôt songer à une orientation phénoménologique. C'est pour montrer que la perception externe est contingente. Elle peut s'abolir, elle peut être révélée fausse. Mais fausse jusque dans cela même qui lui donne un objet. C'est des grosses théories idéalistes. Ils sont prises de tête pour pas grand-chose, finalement. Ça sert à rien. Ils cherchent la petite bête, là. Ils sortent des grandes phrases qu'il n'y a pas la moitié qui comprennent. Donc le sujet est l'identité. Marc a quitté ses études d'ingénieur pour s'adonner à sa passion pour la philosophie. Cette année, c'est la 5e fois qu'il prépare l'agrégation. Vous avez 7 heures et je vous souhaite bon courage pour ce dernier marathon. Alors, la Nutella aujourd'hui, c'est pas pour toi, c'est pour elle. Donc, ouais, je fais de la philo. Chaque crêpe que je tourne, c'est un peu comme le retour éternel de Nietzsche. Tu sais, donc ça commence d'un point du cercle, ça finit à l'autre. Ça m'aide parce que moi, je crois que je suis plus intelligent parce que mon cerveau, ça me fait plus de confiance en moi. Mercredi 15 juin 2022, 8h. Comme chaque année, les élèves de terminale découvraient les sujets du bac philo. Et comme chaque année, chaque sujet a été décortiqué et corrigé tout au long de la journée. Et toi, t'aurais pris quoi? Le sujet sur l'État ou sur l'art? Il faut dire que l'épreuve de philosophie a quelque chose de l'institution. Et voilà qu'on se souvient encore des années après de la note qu'on y a obtenue. Il faut dire aussi que la philosophie est désormais l'unique épreuve sur laquelle tous les élèves de terminale planchent en même temps, l'une des disciplines à avoir tenu le coup avec la réforme du lycée initiée dès 2018. Avec, selon le site de l'Éducation nationale, cette double finalité, favoriser, je cite, « l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement et lui offrir une culture philosophique initiale ». Mais après, que se passe-t-il? Passer le bac et le marronnier des épreuves philo, qu'en est-il? Comment fait-on de la philo? Sa pratique a-t-elle évolué? Et dans quel sens? Comment y a-t-on accès? Quand lit-on? Et comment s'en sert-on? Enseignement, édition, concept pour cette dernière semaine des chemins de la philosophie, on se tourne vers l'avenir avec cette question, la philo est maintenant. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais trois invités. Bonjour à vous. Maxime Catrou, vous êtes éditrice éditoriale déléguée chez Flammarion, en charge des essais et directrice de la collection Climat. Bienvenue à vous. Merci. Thomas Santis, bienvenue à vous aussi. Vous avez été professeur de philosophie en terminale. Vous êtes actuellement doctorant en philosophie à l'École Polytechnique et à l'Université Grenoble-Alpes et vous préparez une thèse sur les approches phénoménologiques et ontologiques de la technique. Sacré sujet. Et puis on attend Michael Fossel qui va bientôt nous rejoindre, donc qui est philosophe, professeur à l'École Polytechnique, dont le dernier livre, Quartier Rouge, le plaisir à la gauche, est paru aux éditions PUF en février dernier. Alors pour ouvrir cette émission État des lieux de la philosophie, qu'en est-il de la philosophie? Comment trouvez-vous que la philosophie se porte actuellement, que ce soit du point de vue de l'édition ou de l'enseignement? Thomas Santis. Mon expérience est très courte dans le domaine, donc ce que je peux dire, c'est un instantané en quelque sorte, et pour la rétrospective, je laisserai les personnes qui ont plus d'expérience en parler. Moi, ce que j'en ai vu, c'est à la fois du côté des études, en particulier à la Sorbonne où je suis passé, mais aussi du point de vue de l'enseignement en terminale, et enfin cette année du point de vue de la recherche. Ce que j'en vois, c'est énormément de jeunes comme moi qui veulent faire de la philosophie. Ça, c'est indiscutable. On le voit beaucoup quand on regarde les effectifs des personnes qui souhaitent passer les concours, le CAPES et l'agrégation de philosophie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dans mon cas, de ma génération, qui ont une véritable envie de faire de la philosophie, que ce soit par la recherche, l'enseignement, ou bien simplement la lecture, la discussion, la réflexion. Et ce que je vois aussi, c'est une situation qui reste encore très vivante dans l'enseignement, au lycée en particulier, une situation dans laquelle on un très grand nombre de professeurs de philosophie, de mes collègues et moi-même l'année dernière, nous essayons au quotidien, nous nous efforçons de faire vivre cette discipline avec avec les élèves de terminale. Et c'est à chaque fois à la fois une joie de voir que cette discipline est aussi vivante, et en même temps c'est évidemment un parcours d'obstacles à la fois pour les enseignantes et les enseignants, et bien sûr pour les élèves eux-mêmes parfois qui ont parfois beaucoup de difficultés avec cette matière, mais qui trouvent de temps en temps, je le crois, un moment de grâce à s'adonner à la réflexion. Maxime Catrou, donc je l'ai dit, hein, vous travaillez chez Flammarion, vous êtes en charge des essais et directrice de la collection Climat. Est-ce que vous trouvez, d'un point de vue autant de ce que vous publiez, des ventes, des essais qu'on vous propose, est-ce que vous trouvez que la philosophie se porte bien ? Oui, je crois qu'elle se porte bien, et je crois que elle voit s'ajouter différents secteurs, différents domaines, que ce soit les traductions. On a différentes collections de poche en France, GF Flammarion évidemment, mais Folio, le livre de poche qui mettent un point d'honneur à retraduire les classiques de la philosophie, et qui de ce fait font connaître la philosophie à des jeunes générations et contribuent aussi à former des chercheurs et des traducteurs. Et puis on a un ensemble de livres qui paraissent en grand format dans des maisons extrêmement variées, des maisons spécialisées, mais aussi beaucoup de maisons généralistes. Flammarion, Gallimard, Le Seuil, Fayard, et beaucoup, beaucoup d'autres, l'Observatoire, qui essayent de montrer l'attrait de cette discipline, de cette culture, de cette façon de penser si difficile à attraper, à saisir, et si riche qu'est la philosophie aujourd'hui. Michael Fossel, merci d'être là, ça me fait plaisir. Presque à l'heure. Presque à l'heure, mais c'est parfait, j'avais pas encore posé, vous êtes pile là pour votre question. Comment vous trouvez que la philosophie se porte, vous, en tant que philosophe qui publiez, mais aussi dirigez une collection au Seuil ? Bon, je dirais qu'elle se porte comme la plupart des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'il faut faire des distinctions entre leur visibilité médiatique, qui est plutôt pour ce qui est de la philosophie assez grande, et plus grande sans doute qu'elle ne l'était il y a même encore une vingtaine d'années, et puis ensuite le lectorat de cette philosophie, du moins d'une certaine philosophie exigeante, qui lui, je parle sous l'autorité évidemment de notre amie éditrice, mais je pense n'est pas aussi important qu'il l'était il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Autrement dit, il y a une espèce de hiatus entre ce qu'on pourrait appeler la fonction symbolique du philosophe ou de la philosophe, qui est aujourd'hui assez réconciliée globalement avec le champ médiatique. Il y a beaucoup de philosophes qui interviennent dans les médias, qui sont présents dans le champ du débat public, parce que la philosophie a une tradition qui est tout de même très inscrite en France de promotion du sens, si je puis dire, dans le champ politique ou dans le champ éthique. Et puis la production philosophique elle-même qui existe, qui est riche, qui est à bien des égards intéressante, mais dont les aspects les plus innovants sont parfois passent un peu sous les radars de l'imagerie médiatique, qui a besoin généralement d'avoir ou qui fait appel en tout cas à des philosophes qui sont plus dans le mainstream de la pensée. Alors est-ce que vous diriez que c'est deux types de philosophies différentes, et même on pourrait peut-être dire un troisième type de philosophie, puisqu'il faut ajouter quand même à ça l'enseignement en fait au lycée, qui est quand même bien différent quand on est en terminale. J'ai pas le souvenir d'avoir été en librairie pour acheter un essai de philosophie qui venait de paraître. J'allais acheter plutôt un dialogue de Platon en GF. Donc effectivement, il y a trois mondes de la philosophie qui sont presque imperméables, on pourrait dire ça, Michael Fossel ? Trois mondes et sans doute aussi trois publics, vous l'avez dit, le public étudiant, le public plus professionnel, celui des chercheurs et des universitaires, et puis ce qu'on appelle le grand public. Mm-hmm. Donc ça produit à chaque fois des formes, je dirais, éditoriales différentes, qui sont intéressantes néanmoins au moment où, dans les occasions où elles se recoupent, c'est-à-dire où il y a, par exemple, dans un essai ou quelque chose qui est attendu comme un livre plutôt supposément grand public, néanmoins aussi des tentatives de renouer avec la tradition de la philosophie, de même dans l'enseignement, mais Thomas en parlera mieux que moi, en tout cas j'ai enseigné en terminale, mais il y a bien longtemps, dans l'enseignement, la possibilité d'essayer, évidemment, en plus, enfin, ou plutôt dans l'exploration d'un programme, qui est un programme relativement balisé, avec des auteurs qui sont référencés dans l'histoire de la philosophie, de faire appel à des problématiques plus contemporaines. Il y a tout de même des manières de comme on le dit, d'actualiser des problématiques philosophiques qui ne consistent pas simplement à les vulgariser ou à essayer de les faire coûte que coûte rapporter au présent de l'actualité, mais à les rendre actuelles au sens fort du terme, c'est-à-dire à essayer de montrer qu'elles rejoignent un présent même si elles n'avaient pas été faites pour le faire. Maxime Catrou, sur ces trois publics, et vous voulez réagir? Oui, je crois que c'est très intéressant ce que dit Michael. Moi, dans ma position d'éditrice, de directrice éditoriale pour les essais, ce que je vois, c'est quand même que les succès, les livres qu'on peut appeler des succès, conjuguent et réunissent ces trois publics. Et que c'est vraiment, je pense, nos ambitions partagées que de faire que ces groupes, que ces cercles ne soient pas des cercles exclusifs, mais s'ouvrent, et que un livre force le passage et ouvre un peu des voies nouvelles entre ces publics, entre ces mondes, entre ces cultures. C'est aussi ce qu'on essaie de faire avec la traduction. Et je pense que le débat, finalement, ou la curiosité philosophique, elle est peut-être moins figée qu'elle ne l'était auparavant. Elle est bousculée par beaucoup de nouveaux enjeux de société, de nouvelles histoires qui sont en train de s'écrire, par de nouvelles formes d'intelligence aussi, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres choses, par des questions qui portent sur la science, et que cette philosophie, elle grandit, elle est très labile, et elle est pas forcément dans une forme prédéfinie. Mais l'enjeu, c'est de savoir justement si cette philosophie-là, sans la sacraliser, justement, ne perd pas un certain nombre de repères à force, effectivement, de se transformer, peut-être de devenir à tout prix actuel, à tout prix collé à des enjeux contemporains. Et puis d'ailleurs, juste une question comme ça, à qui vous pensez, à quel essai, par exemple, vous pensez qui allierait à la fois rigueur scientifique, universitaire, et en même temps intérêt qui pourrait susciter un intérêt chez le grand public? Alors, je vais être très partiale, oui, mais vous me pardonnerez, c'est mon métier qui m'y pousse, mais je pense à une autrice comme Manon Garcia, par exemple, oui, qui est une universitaire, donc, qui a publié On n'est pas soumise, on le devient, et qui vient de publier un livre qui s'appelle La conversation des sexes, oui, philosophie du consentement, qui vient d'avoir le prix des rencontres philosophiques de Monaco, et qui sait marier la recherche, une culture philosophique analytique qui vient des États-Unis, une culture continentale et des sujets qui agitent la société aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le livre connaît le succès qu'il connaît. Mon exemple. Thomas Santis, vous vouliez réagir justement sur cette convergence aussi des trois publics un petit peu différents, justement parce que vous avez été enseignant et que maintenant vous êtes dans la recherche, donc vous faites partie justement de ceux qui s'adressent à des publics distincts. Oui, justement, ce qui m'intéresse effectivement dans la manière dont on peut distinguer ces différents publics, en particulier en termes à la fois de génération, quand on distingue les étudiants et un public de chercheurs et de chercheuses universitaires, et quand on ajoute à cela un public, disons, de plus large, le grand public, on se rend compte qu'en réalité, j'ai identifié l'année dernière que le public auquel j'appartenais, à savoir celui des enseignants de lycée, tout simplement, qui est en fait un public très nombreux, en termes de lectorat en philosophie, constitue peut-être justement le point de convergence de ces des différents, à la fois des différents essais qui sont publiés, des différentes manières de faire de la philosophie grand public, et puis de la tradition philosophique dont ils ont une certaine maîtrise, évidemment. Et précisément, dans le public des enseignants, on trouve justement une discussion très vivante des essais récents qui sont publiés, en particulier sur le sujet, sur les sujets qu'aborde Manon Garcia, par exemple. Moi, justement, l'année dernière, j'ai découvert l'essai de Manon Garcia, « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Et c'est précisément le genre d'essai dont on se dit que ça formerait un cours très intéressant ou un atelier très intéressant à faire avec des élèves. Ce sont parfois des sujets qui sortent du programme dans les essais récents qui paraissent, mais en réalité c'est toujours l'occasion d'une belle découverte et d'une discussion surtout qui risque d'intéresser les élèves dans les sujets qui leur tiennent parfois à cœur. Et on voit sur les discussions entre enseignants qu'il y a parfois des débats assez vifs à la fois entre enseignants et élèves, entre enseignants aussi. Des débats vifs, c'est-à-dire sur le contenu même du texte que vous venez de lire, c'est ça ? Oui, c'est ça, des débats vifs sur des sujets à la fois philosophiques et d'actualité. Mm-hmm. Par exemple, sur des questions, dans le cas de ce qu'écrit Manon Garcia, sur des questions de domination ou des questions de consentement. Là-dessus, ce sont des élèves qui souvent ont été informés, ont été imprégnés de tout un tas de choses dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, et qui, du coup, réagissent d'une certaine manière, et qui, je dirais, n'est pas simplement une pure réaction de jeune élève qui a tout absorbé comme une éponge, mais qui, en réalité, souvent, constitue une véritable expression et quelque chose qui peut amorcer une réflexion. Et encore faut-il que, ensuite, le corps enseignant soit là pour guider cette réflexion et la rendre fructueuse et véritablement philosophique. Vous n'êtes pas philosophe ? Je ne suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à l'étranger, notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques. Non, vous vous y connaissez un peu, alors ? Oui, c'est ça. Un petit peu. Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord ? J'arrive plus à penser. Plus du tout. Vous voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. Hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections. J'ai mené des équipes. J'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. Isabelle Lenzdorf m'avait conseillé d'aller voir un psychanalyste. Elle a même voulu me présenter un coach. Mais alors là, j'ai flairé tout de suite l'imposture, vous voyez, le truc vulgaire, le symptôme de notre époque. Je me suis dit que je résoudrais mon problème plus profondément avec l'aide de la tradition philosophique plutôt qu'avec les dernières thérapies à la mode. Mais vous savez, la philosophie c'est très bien, mais justement c'est pas une thérapie. Je crois que je n'ai pas besoin de thérapie. Comment vous vous appelez ? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. C'était un extrait du film de Nicolas Pariser, Alice et le maire, qui date de 2019, dans lequel on vient d'entendre la voix de Fabrice Luchini, donc c'est le maire de Lyon, est en panne d'inspiration. Alors il a besoin d'une petite philosophe pour lui fournir des idées. Et il y a cette phrase que donne Anaïs de Moustier qui dit « Vous savez, la philosophie, c'est pas de la thérapie ». Est-ce que c'est une tendance, justement, on parlait de la convergence en fait des publics entre les élèves, les enseignants et puis le grand public, une manière de faire converger ces publics dans l'idée que la philosophie est une thérapie, dans l'idée que la philosophie aiderait à mieux vivre, autrement dit, et pour mettre les pieds dans le plat, dans l'idée que en fait, la philosophie, ce serait du développement personnel. Ça, c'est une des grandes tendances, je pense, on peut le dire. Alors, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Ouais, allez-y, Mickaël, je vois que vous avez déjà Mickaël Fossel, allez-y sur cette identification entre philo et développement personnel. Ce n'est pas forcément grave, ce n'est en revanche probablement, pas, probablement pas vrai. L'idée que la philosophie a pour fonction, pas simplement de connaître, de savoir, mais de consoler, d'ailleurs on aurait plutôt dit dans la tradition que de guérir, cette idée n'est pas nouvelle. Les consolations de la philosophie, elles commencent au moins avec la philosophie elle-même, si l'on peut dire, avec le discours de Socrate, au moment où il est obligé lui-même, d'ailleurs, ce qui est paradoxal, de consoler ses disciples du fait d'avoir à mourir, puisqu'il est condamné à mort. Donc cette idée, elle est présente, elle est même en un sens structurante de la philosophie, car après tout, à quoi bon en faire, sinon pour prendre soin de son âme. Donc même le vocabulaire, plus ou moins médical est déjà présent à l'origine. Alors évidemment, la version peut-être parfois, certainement parfois caricaturale de cela, nous y assistons aujourd'hui avec l'idée que non seulement d'ailleurs la philosophie serait en quelque sorte une thérapie, mais même qu'elle serait, ce qui est sans doute beaucoup plus faux, un chemin vers le bonheur. Lisez Spinoza pour être heureux ou découvrez Épicure pour régler vos problèmes de couple. Bon, cette image un peu médiatisée de la philosophie comme aide à vivre. Elle est quotidienne, elle est présente, elle est présente aussi parfois en une de certains journaux, donc elle fait vendre, j'imagine, mais elle est certainement une promesse non tenue, parce que si on réfléchit un peu au rapport que nous avons avec la vérité aujourd'hui, il n'est pas exactement le même que celui que nous avions ou qui existait à l'époque de Platon, c'est-à-dire l'idée que la vérité sauve, Sous-entendu, la philosophie est tout de même là comme une discipline qui doit permettre d'approcher la vérité. L'idée que la vérité sauve est une idée qui a été plus qu'une idée, c'est presque le présupposé de la philosophie classique, mais elle s'est un petit peu affaiblie ces derniers siècles. Pas la peine de même parler de l'actualité. C'est-à-dire l'idée que la science, que le savoir est toujours et en tout lieu un objet de consolation, une occasion de consolation, est démentie quotidiennement. Les rapports du GIEC produisent un savoir qui n'est pas, je dirais, de nature à nous réconforter. Alors le danger aujourd'hui, c'est qu'on essaie de maintenir, enfin un certain registre de la philosophie plutôt commerciale, essaie de maintenir l'idée que la sagesse, c'est le bonheur, que le savoir, la connaissance, c'est nécessairement le salut, mais cette idée entre en contradiction formelle avec l'évolution de la science. Et la science, depuis les Lumières, c'est essentiellement destiné, je dis les choses très vite, mais à produire un savoir objectif. Et l'objectivité, ça n'est pas nécessairement quelque chose de consolant. Autrement dit, il y a une tentative de faire de la philosophie, je dirais, le dernier savoir consolateur dès lors que le religieux s'est affaibli. Et là, ça, c'est un peu préoccupant, simplement parce que cela amènera certainement beaucoup de lecteurs à être un peu déçus. C'est une confusion, je dirais, entre la philosophie et des formes de spiritualité plus ou moins heureuse qui ont tendance un peu à oublier le tragique de l'histoire, parce que ce qui nous réunit, c'est un peu la philosophie depuis dix ans, ce qui, à mon avis, on y reviendra peut-être, joue un grand rôle dans l'évolution de la philosophie, des thèmes qu'on aborde du moins, c'est l'apparition d'événements ou de phénomènes mondiaux, telluriques, assez négatifs, à commencer par le réchauffement climatique, le vécu de la pandémie, c'est-à-dire des événements que la philosophie ne peut pas, dont elle ne peut pas pas parler, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec, je dirais, la promesse d'une vie joyeuse. Thomas Santis, vous voulez réagir ? Ce que dit Michael Fussell sur cette sorte de statut consolateur de la philosophie, qui est assez ambigu dans le discours médiatique, je le partage tout à fait, et si je peux poursuivre sur ce qu'il a dit. Il y a, je pense, un danger, mais qui est en réalité est très présent dans le discours médiatique sur la philosophie, mais aussi qui peut émaner aussi du statut qu'a la philosophie en terminale dans l'enseignement, à savoir que la philosophie aurait en quelque sorte un statut de coloration, de vernis, disons, réflexif ou culturel, que la philosophie serait là pour apporter un petit plus à l'existence, de sorte que en faisant de la philosophie ou en lisant des textes de philosophes, on s'évaderait un peu, on penserait un peu à autre chose, on s'élèverait un peu dans l'abstraction, et puis finalement, une fois qu'on a fait ça le dimanche, eh bien on peut retourner aux activités sérieuses le lundi. Et je pense que ce en quoi ce danger consiste, c'est que en faisant ça, on enlève à la philosophie son pouvoir de s'adresser aux véritables problèmes. Et ces véritables problèmes, Michael Fussell en a parlé, ce sont des problèmes qui peuvent être politiques, ceux du réchauffement climatique par exemple, ce sont des problèmes qui peuvent être moraux, qui peuvent être, comme ceux qu'aborde Manon Garcia, ceux du rapport entre les femmes et les hommes. Ces problèmes, ils peuvent être aussi personnels, et ils peuvent être des problèmes dans lesquels les gens sont pris dans leur existence. Mais l'un n'exclut pas l'autre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir de questions, d'avoir une idée que la philosophie aide à mieux vivre, non pas pour atteindre le bonheur, mais parce qu'en fait, juste, elle va partir en fait d'une matière qui va être plus quotidienne, qui va être plus intime que de grands thèmes abstraits qui semblent parfois étrangers en fait aux élèves ou au grand public, à savoir le temps, la question de la dialectique transcendantale ne dit rien comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas la philosophie, alors que si on lui dit que la dialectique transcendantale a un rapport avec son quotidien, ça change tout. Oui, et même plus que d'ailleurs le rapport avec le quotidien, je dirais qu'à partir du moment où on se met à examiner sérieusement des problèmes politiques qui sont posés aujourd'hui à la France, au monde, des problèmes qui relèvent à la fois de, par exemple, de la question de savoir si la technique peut véritablement nous sauver de la situation écologique dans laquelle nous sommes, ça c'est un problème qui en réalité, en son fond, et c'est ce que je crois, exige la philosophie, c'est-à-dire exige de se mettre véritablement à la tâche, de chercher une réponse, que ce soit du côté du statut de la nature, de la manière dont on peut comprendre la nature, la technique, de la manière dont on peut comprendre ce qui fait encore l'essence de l'humain. Et c'est précisément sur ce cheminement-là qu'en réalité on se rend compte que la philosophie n'est pas simplement une coloration qui pourrait égayer l'existence ou même simplement aider à mieux vivre, mais qu'en réalité elle est le lieu où on est mené lorsque l'on commence à creuser sérieusement les problèmes qui se posent à nous. Et c'est un cheminement qui, je crois, que beaucoup d'enseignantes, d'enseignants et moi-même essayons de faire prendre aux élèves de terminale pour leur montrer qu'en réalité, non seulement les problèmes de leur vie quotidienne, mais aussi les grands problèmes de ce monde, lorsqu'on les aborde avec tout le sérieux qu'il faut, exigent de réfléchir et d'emprunter cette voie qui a été tracée par les Grecs avant nous. Maxime Catroux, vous voulez réagir aussi? Oui, non, je crois que, comme le disent mes camarades très bien, et on le sait tous pour avoir un peu lu de philosophie ou s'être interrogé à son propos, la philosophie est loin d'être une thérapie, et loin d'être un accès immédiat et facile. En revanche, c'est vraiment une école de la clarté, de la lucidité, de la pensée. C'est, je crois, en classe de philosophie qu'on apprend ce que c'est qu'un raisonnement, qu'on apprend ce que c'est qu'argumenter, et une fois qu'on a acquis ou qu'on se met en marche pour commencer à examiner ces outils, on ne cesse plus jamais de le faire. Et en effet, la matière de la vie courante, de nos vies politiques, de nos vies incarnées demande sans cesse qu'on les réfléchisse, qu'on les pense, qu'on mène pour rejoindre un des buts, une des notions philosophiques, ce qu'on appelle une vie examinée. Et je pense que voilà, c'est pas une thérapie, mais c'est un outil et aussi une émotion parfois esthétique. La beauté d'un raisonnement, la beauté d'une argumentation, c'est quelque chose aussi qu'enseigne la philosophie, qui nous suit, qui nous poursuit toute son existence durant. Il y a quand même une tension entre le fait qu'on ait envie à la fois en fait que la philosophie soit démocratisée, c'est-à-dire que tout le monde s'en serve, et en même temps qu'elle soit difficile d'accès. Et cette idée quand même d'une philosophie thérapie qui certes peut corrompre voilà la méthode philosophique, et peut-être une voie d'entrée. Je pense aussi en fait à d'autres thèmes qui sont, j'imagine, assez vendeurs. On a parlé du livre de Manon Garcia, mais le féminisme est maintenant une grande tendance dans les essais philosophiques. La question justement de l'écologie, du vivant, ça c'est des thèmes qui sont porteurs, et ce sont des portes d'entrée qui semblent peut-être réductrices parce que il n'y a qu'un pont qui est abordé. Effectivement, ça semble pas une approche systématique, mais qui néanmoins sont peut-être des ouvertures vers la philosophie. Oui, alors juste un mot encore sur la thérapie. Je ne pense pas que la philosophie soit une thérapie au sens où elle précisément elle aurait les moyens en quelque sorte les concepts seraient des médicaments destinés à nous sortir de l'état dans lequel nous sommes. Oui, ça n'ira pas mieux en lisant Kant. Hein. Ça n'ira pas mieux au sens, en tout cas, on ne guérira pas, mais ça ira peut-être mieux au sens où nous aurons peut-être une meilleure lucidité sur ce qui ne va pas, parce que en réalité il y a tout de même dans les pathologies diverses et variée sociale que nous subissons, il y en a une qui est celle qu'on pourrait appeler la pathologie du sens, c'est-à-dire le fait de ne trouver aucune signification dans ce que nous faisons ou dans le type de vie qui nous est offert socialement. Et la philosophie, de ce point de vue-là, c'est un peu comme la psychanalyse. Hein. Il y a la version, je dirais, de l'adaptation de la psychanalyse, ça nous sert à nous adapter à la société, c'est la version, je dirais, anglo-saxonne. Et puis il y a celle qui est un effort de lucidité à l'égard du fait qu'effectivement, ce que nous faisons n'a pas de sens. Et je pense que la philosophie en tout cas celle que j'essaie de pratiquer et celle qui, surtout que je lis, aurait plutôt tendance à... parce que c'est aussi un réconfort de comprendre pourquoi finalement nous sommes en quête de sens, et pourquoi le réel que nous vivons ou que nous subissons le plus souvent d'ailleurs ne peut pas nous apporter de réponse. Parce que l'une des choses qui est très frappante, je trouve, en particulier, puisque c'est un peu la chronologie que vous avez adoptée depuis 10 ou 15 ans, c'est que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas la crise du sens. Je trouve que nous sommes des sociétés très réconciliées avec le sens, au sens où nous cherchons toujours un sens pour les choses. Nous considérons qu'il doit toujours y en avoir un, même d'ailleurs tout ce qu'on nomme aujourd'hui complotisme ou tentation complotiste. Ça veut dire on va chercher un sens. Il faut qu'il y ait derrière les apparences, une espèce de platonisme un peu dévoyé, chercher les apparences, la vérité des choses. Au fond, la philosophie, elle a aussi pour fonction de nous mettre un peu en garde contre cette espèce de démesure dans la recherche de significations immédiates, disponibles et plus ou moins réconfortantes. En ce sens, on pourrait dire, dans un premier temps, la philosophie, elle aggrave les symptômes. Par exemple, vous avez évoqué la question du vivant, ou de la question écologique, ou du féminisme. Et qui, pour le coup, est très très porteuse, là, dans l'édition. Qui sont très porteuses, parce qu'elles sont aussi très réellement posées, et à juste titre, dans la société. Mais la fonction d'une philosophie du féminisme, ce n'est pas de nous réconforter quant au statut, je dirais, fondamental des femmes dans les sociétés contemporaines ou a fortiori les sociétés d'avant. C'est d'expliquer les mécanismes et donc aussi leur dureté, peut-être parfois leur caractère très difficilement surmontable du patriarcat. Autrement dit, il y a toujours un moment qui explique d'ailleurs bien des résistances à l'endroit de la philosophie ou à l'encontre de la philosophie. Il y a toujours un moment, je dirais, de principe de réalité que la philosophie doit assumer pour elle-même, qui fait que, au fond, le lecteur pourrait être en quelque sorte d'abord son désespoir ou en tout cas son inquiétude se voit agrandi. Ça se retrouve d'ailleurs dans l'enseignement. L'enseignement, en tout cas celui que j'essaie de pratiquer, mais je ne suis pas le seul, consiste aussi en partie à croître l'inquiétude des étudiants, parce qu'on n'a pas affaire à des étudiants qui sont comme des tableaux noirs sur lesquels il suffirait simplement d'écrire quelque chose de nouveau. C'est pas l'ignorance l'adversaire, si on peut dire, du professeur de philosophie, c'est le préjugé. Et par conséquent, on est plus face à des gens ou à des élèves ou à des étudiants qui sont saturés de sens, qui ont déjà beaucoup de signification dans l'esprit, qu'il faut, pour employer un terme à la mode, déconstruire d'abord, pour essayer d'abord de créer un peu un espace dans lequel on va essayer d'introduire de la connaissance et du savoir. Vous avez employé le terme de fonction, Michael Fossel. Il faut donc bien peut-être distinguer utilité, où on attendrait quelque chose, où il y a une attente sociale d'un lecteur de philosophie qui se dirait « en lisant de la philosophie, je vais aller mieux, c'est donc une thérapie », d'une fonction qui serait une fonction, comme vous l'avez dit, Maxime Catrou, de d'éclaircissement du sens, d'analyse du sens. Mais comment ça, on peut tenter de le faire? Quelle distinction véritablement mettre en œuvre quand on est éditrice et se dire « telle chose, j'ai envie de la publier parce que justement elle va dans ce sens-là alors que telle autre, je suis sur le fil ». Et là... Je crois que c'est très simple. Ouais. C'est quand vous-même vous êtes lancé dans un processus de compréhension. Quand vous apprenez, quand vous comprenez, quand vous regardez un objet d'une façon, sous un angle un petit peu différent de celui que vous connaissiez, et que vous-même, quelque chose bouge dans votre façon de comprendre ou de lire ce que vous pensiez connaître. C'est ça qui meut, je pense, quand on cherche des textes à publier. En tout cas, c'est ce qui me meut moi, c'est ce qui me fait aller aussi vers des traductions, vers des écoles, des façons de penser que je ne connais pas. La philosophie américaine beaucoup plus largement connue aujourd'hui de personnes comme Donna Haraway ou Judith Butler ou bien d'autres encore, n'était pas si bien connue il y a quelques années. Martha Nussbaum, qu'on a beaucoup traduit dans la question climat, est une philosophe très importante. Ce ne sont pas des auteurs vers lesquels forcément on va plein d'assurance et d'aisance en disant « mais je comprends tout, je sais très bien, elle part de là, elle va là ». On apprend des chemins, des raisonnements différents, des approches différentes. Ces auteurs s'intéressent à des sujets qui n'ont pas intéressé beaucoup les philosophes français. Les émotions, par exemple, n'étaient pas un grand terrain de philosophie. Elles le sont devenues, grâce à la philosophie américaine, entre autres. Les émotions négatives, notamment la honte, la peur, la crainte, c'est aussi intéressant. On apprend soi-même quand on est devant son ordinateur ou son manuscrit. Et je crois que c'est ça, enfin en tout cas, moi, c'est ça que je recherche, je dirais... Mais disons priorité. Que quand vous décidez de traduire un grand auteur, une grande autrice étrangère, vous avez déjà presque, elle est déjà, cette personnalité est déjà légitime. Quand on vous envoie un manuscrit, un jeune philosophe et que vous lisez et que vous dites là, je suis vraiment à la limite, c'est un sujet qui est vendeur, pour le dire de manière très triviale, mais là en fait les conditions, le propos me semble pas du tout sûr, c'est trop, pour le dire vulgairement, trop putassier finalement. Écoutez, je j'ai pas été confrontée souvent à ce genre de dilemme, parce qu'en réalité quelqu'un qui cherche, ça se sent, enfin c'est quand même un terrain moins facile que quelqu'un qui restitue, si je peux. Quand on a le sentiment d'utiliser des recettes ou des ficelles ou de se dire bon, ok, je vais écrire un livre sur le bonheur, ça marche pas tout à fait comme ça. On écrit sur un sujet qu'on cherche ou sur c'est un processus, je dirais, un petit peu plus personnel que de prendre des sujets tout faits, comme s'il existait des problèmes ou des conseils, des sujets tout faits qu'il suffirait de presser pour en tirer le suc. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est avant tout un auteur, quand même, aussi un livre. Et je pense que c'est ce qui nourrit ce qui donne sa variété aux sujets qui sont grosso modo toujours les mêmes. Oui, comment est-ce qu'on va aller mieux? Quand est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va sauver la Terre ou pas? Voilà, c'est un auteur qui donne une physionomie particulière à tous ces sujets. Thomas Santis, sur la distinction entre fonction et utilité, que ce soit dans la recherche, qui est quand même un travail très solitaire, très individuel, mais aussi dans l'enseignement, est-ce qu'à certains moments, vous avez eu des élèves qui vous ont dit « mais en fait, à quoi ça sert ?» Pourquoi je suis là? Et même vous, peut-être parfois, quand vous êtes tout seul à faire de la recherche, vous dites « mais pourquoi je me suis lancée dans la phénoménologie et l'ontologie de la technique, qui est un sujet très ardu ?» Oui, ça c'est une question quotidienne, ça va sans dire. La question de l'utilité de la philosophie en général, ou du « à quoi ça sert de la philosophie », d'abord c'est une question philosophique évidemment, ce qui fait qu'en quelque sorte on demeure prisonnier peut-être à jamais de cette affaire. C'est aussi une question qui, en réalité, est posée parfois dans certains contextes dont on se rend compte qu'ils peuvent être d'une certaine manière hostiles à ce que la philosophie a réellement à nous apporter. Je prends l'exemple de la classe de terminale. Aujourd'hui, quand on enseigne en classe de terminale, on réalise qu'on a devant soi des élèves qui sont soumis à tout un ensemble de pressions, en particulier liées au supérieur et à Parcoursup, qui se sont renforcées. Et à la réforme du lycée aussi, non ? Et à la réforme du lycée qui précisément fait avancer dès la terminale, parfois pour le meilleur et parfois aussi pour le pire, le choix des étudiants quant à leurs études supérieures. Et à ce moment-là, la philosophie devient une matière qui a un statut un peu particulier puisque précisément les élèves se disent « eh bien, ça ne me sert pas nécessairement, l'épreuve de philosophie elle arrive à la fin de l'année, mais en réalité les dossiers pour Parcoursup ils sont déjà terminés à cette date-là ». J'ai déjà eu la plupart de mes notes en contrôle continu, puisque voilà. Le bac maintenant ça s'obtient surtout grâce aux notes en contrôle continu. Exactement. Donc finalement c'est un petit peu une épreuve symbolique, on pourrait dire maintenant. La philosophie garde ce statut en quelque sorte symbolique de dernière épreuve de fin de l'année, dernière épreuve commune aux séries générales et technologiques, mais ce statut, s'il est purement symbolique, et en quelque sorte il devient une coquille vide et il est fragilisé véritablement. Et donc cette question du à quoi ça sert, le problème c'est qu'elle est posée dans un contexte où l'enseignement doit servir à préparer la vie professionnelle. Et ça c'est le principal problème qui est posé lorsque l'on enseigne la philosophie, c'est qu'en réalité on n'enseigne pas une boîte à outils qui va servir pour la vie professionnelle et pour avancer dans sa carrière. En tout cas on peut enseigner tout un ensemble de méthodes qui vont permettre de mieux réfléchir. Et d'ailleurs, dans la réalité de l'enseignement, il y a toute une part consacrée à l'apprentissage du raisonnement logique, de l'argumentation, en particulier écrite, qui en réalité sera nécessairement à l'avantage des étudiantes et des étudiants pour la suite. Mais ce à quoi ces personnes seront confrontées par la suite, ce seront des situations où il faudra qu'ils trouvent des solutions à des problèmes concrets, ou bien simplement qu'ils sachent se vendre devant lors d'un entretien d'embauche, qui sont toujours ces sortes de représentations, cet imaginaire qui est de plus en plus prégnant en terminale, avec le grand oral par exemple. Il faut savoir se vendre, il faut savoir montrer une certaine assurance et un certain projet professionnel. Bon, mais le problème c'est que la philosophie remet tout cela en question et la philosophie n'apporte pas à ses étudiants une boîte à outils qui leur permettra d'avancer dans leur carrière. Je pense à ce que disait Alice au maire dans l'extrait qu'on a entendu. Le maire lui dit « il faut que vous me fassiez penser ». Bon, mais le problème est... Donnez-moi des idées, oui. Voilà, et le problème c'est que, c'est ce qu'on voit un peu dans le film, le maire se rend compte qu'en réalité, penser c'est douloureux. Et que lorsque on nous fait penser, d'abord on ne peut pas rester simplement passif là-dedans, il faut en quelque sorte s'engager sur un chemin, gravir cette pente qui fait sortir de la caverne, mais ce chemin-là, c'est un chemin douloureux et c'est un chemin qui, en particulier, met à bas tout un ensemble, comme on le disait, de préjugés qui sont présents chez les élèves de terminale, mais qui sont aussi, bien sûr, présents partout dans la société. Mais alors, en tant que professeur en terminale, comment vous faisiez pour intéresser des élèves qui, justement, en fait, a priori, n'avaient aucune raison de s'y intéresser d'un point de vue très concret, parce qu'en fait, ils n'allaient pas faire de philo après, ça n'allait pas leur fournir des grands arguments pour obtenir un travail, et que les sciences humaines, et on l'a bien vu aussi avec, que ce soit avec Parcoursup, la réforme du lycée, ou ce qui se passe en ce moment à l'université, les sciences humaines ne sont pas du tout valorisées. Voilà, les statuts des professeurs est un statut précaire et qui n'est pas du tout soutenu. Donc, comment on peut donner envie en plus avec ça? Ça, il faut commencer par le dire, bien sûr. Oui. Les conditions d'enseignement sont extrêmement difficiles, l'ont longtemps été, et c'est ce ne sont pas les dernières réformes qui, effectivement, ont rendu ces conditions d'enseignement plus faciles. Je pense en particulier au fait que lorsque l'on enseigne devant une classe de 35 élèves, en particulier des élèves qui ont déjà un emploi du temps très chargé, on a beaucoup de mal à créer une ambiance de réflexion, propice à la réflexion. Ça dépend des heures de la journée généralement et ça dépend de l'état dans lequel se trouvent les élèves. Mais il est parfois très difficile de créer cette ambiance-là. Elle est beaucoup plus facile lorsqu'on a des groupes plus réduits. Mais ce genre de considérations très simples ou de conditions très simples qui sont évidemment coûteuses, les conditions dans lesquelles on peut avoir des classes réduites, en réalité, ça fait des années, voire des décennies, qu'elles sont demandées par les enseignants et en particulier les enseignants de philosophie. Ce qu'on voit lorsque l'on essaye d'entreprendre ce cheminement avec les élèves, c'est que on a face à nous des élèves qui ont tout un ensemble de préjugés sur tout un ensemble de sujets. Je prends un exemple très simple que j'ai abordé dès le début de l'année dernière avec les élèves. Je leur ai posé la question, l'État doit-il s'occuper de notre bonheur ? Question très très simple, très très classique, qui mêle deux notions du programme. Bon, et bien en réalité, quand on demande ça aux élèves, les élèves répondent quasiment immédiatement non, ça n'est pas l'affaire de l'État, et puis le bonheur c'est une affaire individuelle. Et en réalité, on peut comprendre cette réaction première. Et l'intérêt de la philosophie, c'est d'essayer de mettre en branle quelque chose qui sera comme une remise en question de cette première réponse, qui consistera simplement à essayer de chercher des arguments de l'autre côté, et en particulier à se demander, bon, mais très bien, mais si l'État n'a pas pour but notre bonheur, dans ce cas-là, quel est le but de l'État ? Et je ne dis pas que le but de l'État serait nécessairement le bonheur, évidemment, mais je pense qu'en tout cas, en faisant ça, on peut mettre les élèves sur la voie d'une réflexion sur l'utilité de l'État, et qui est en réalité une réflexion qui, parfois, peut remettre en question de nombreux préjugés qu'ils peuvent avoir. Et moi, j'ignorais que Zizek faisait partie de tes références. Et même Ina Bomberg, je savais pas qu'il avait écrit un livre. J'espère que t'accordes plus de prix à la vie humaine. En tout cas, je me pose la question d'accorder les actes à la pensée. C'est pas le cœur de ton enseignement. Pourquoi tu dis ça? J'ai toujours insisté sur notre devoir de mettre notre vie en accord avec nos idées, au contraire. Et j'ai moi-même toujours essayé de m'y tenir. Ouais, d'accord. Mais ça ne dépasse pas la sphère de l'intime. Comment ça? Tu te soucies que ton comportement dans la vie de tous les jours ne trahisse pas tes valeurs? Mais tu te poses pas trop la question d'une pensée qui impliquerait un changement profond dans ta manière de vivre, si? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux bien aller à des manifs, signer des pétitions? Ça suffit pour que tu penses que t'es une intellectuelle engagée. Ça te donne bonne conscience et ça remet pas en question ton mode de vie. Mon mode de vie bourgeois, tu veux dire? J'ai pas envie de faire la révolution, c'est vrai. J'ai un projet beaucoup plus modeste. J'essaie d'apprendre à des jeunes gens à penser par eux-mêmes. On n'est pas d'accord sur tout, mais je croyais au moins t'avoir transmis ça. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait du film de Mia Hansen-Løve, L'Avenir, qui date de 2016, où on entend Nathalie, interprétée par Isabelle Huppert, qui retrouve un de ses chouchous, on pourrait dire, un de ses élèves chouchous, qui, des années après, en fait, remet en cause son enseignement et en fait son accord entre sa vie et sa manière d'enseigner et sa vision de la philosophie. Lui, il y défend une vision de la philosophie, on va dire, beaucoup plus révolutionnaire. Celle-ci devrait tendre à transformer le monde. Alors, je vais reposer cette question ici, je pense, qui est un petit peu éculée, mais qui quand même se pose. Est-ce qu'on attend encore ça aujourd'hui du philosophe, à savoir qu'il ait une position pas seulement engagée, mais qu'il prenne véritablement position et ait une visée transformatrice du monde, Michael Fossel? Bon, ça renvoie un petit peu pour des évolutions de ce qu'on attend de la philosophie, car c'est plus facile de parler de la demande qui pèse sur la philosophie que de la philosophie elle-même, tant il est vrai que les définitions de la philosophie varient avec le nombre de philosophes. Alors, la philosophie a, dans une période qui a été, disons, ouverte par les Lumières et qui a trouvé son apogée dans le marxisme, s'est définie elle-même comme un savoir qui avait une fonction effectivement transformatrice, sinon même révolutionnaire. Et par rapport à ce qu'on disait au début, c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment aujourd'hui que la philosophie, comme d'ailleurs l'ensemble des réalités, ou pas forcément des sciences sociales, mais c'est individualisé. C'est-à-dire, au fond, on change notre vie, ou elle a pour fonction de nous rendre un peu meilleurs, un peu plus heureux, un peu plus joyeux. Alors, il me semble que la vérité, comme souvent, est à égale distance de ces deux conceptions un peu extrêmes. Parce que la philosophie transforme le monde. Bon, évidemment, même là, il faudrait définir la philosophie. Monde. Comment ? Faudrait déjà définir le monde. Faudrait définir le monde, mais surtout s'entendre sur ce qu'on entend ici par philosophie. En l'occurrence, dans le marxisme, c'était ce qui prétendait être une science des rapports économiques. Je dirais plutôt que la philosophie en France, et dans, alors là spécifiquement depuis maintenant quelques années, elle a une sorte de chance inattendue. C'est que à travers un certain nombre de débats, hein, je mets débats entre guillemets, sur en particulier le woke, sur la post-vérité aussi, sont apparus dans des camps qui ne les citaient que rarement, plutôt des camps réactionnaires, des références à des philosophes comme Foucault, comme Derrida. Tout d'un coup, on entend parler de déconstruction sur CNews, on lit des enquêtes sur Foucault dans Valeurs Actuelles, parce que cette thèse selon laquelle la philosophie française, enfin la French theory, qui se serait ensuite développée aux États-Unis, nous reviendrait aujourd'hui en plein visage, et en particulier, je pense à tout ce qui se dit autour du thème de la déconstruction, puisque un certain nombre d'éditorialistes, ce ne sont pas des philosophes, mais d'éditorialistes considèrent que, au fond, le grand mal en France, c'est que nous voudrions déconstruire les statuts, les identités, et que au fond il y a une espèce de critique par rapport à la philosophie des années 70, supposément gauchiste, etc., qui est aujourd'hui assez présente. Alors en quoi est-ce une bonne nouvelle ? Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle pour je dirais l'esprit immédiatement, parce qu'en général, évidemment, on parle de déconstruction, on ne définit pas le terme, on ne considère pas, et puis chez Derrida, c'est tout de même une vaste affaire. Hein, Derrida n'a jamais pensé qu'il fallait déconstruire les statues ou autre chose. Il faut déconstruire la métaphysique, ce qui est un travail évidemment d'une autre ampleur et qui n'est pas forcément accessible aux chaînes d'information, mais néanmoins ce retour en grâce, même négatif, d'un certain nombre de ces termes indique que contrairement à ce qu'on dit parfois, nous ne sommes pas dans une période qui serait totalement post-philosophique, dans lequel, au fond, les dispositifs techniques, Internet, plus personne ne lirait, etc., nous mèneraient dans un moment de nihilisme. Au contraire, nous sommes, et ça s'était vérifié aussi, quand je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement à propos du wokisme ou autre, à propos de la post-vérité, où on s'est posé la question de savoir si Nietzsche, qui a dit qu'il n'y avait pas de vérité, que des interprétations, était nécessairement responsable, si je puis dire, de Trump. Hein, on a quand même entendu ce genre de choses. Alors là, pour l'enseignant philosophie, ou pour celui qui écrit de la philosophie, au moins dans le débat public, pas dans le champ académique, c'est une bonne occasion, si vous voulez, de partir de ce genre de mécompréhension. Il faut toujours partir, en général d'ailleurs, d'une mécompréhension. On peut pas tellement partir d'une évidence pour la déconstruire, si j'ose dire. Il vaut mieux essayer de partir d'un malentendu, montrer que Nietzsche c'est un peu plus profond que ce qu'on lui fait dire, que la question de la post-vérité ne se laisse pas réduire à quelques slogans. Mais cela témoigne quand même de l'imprégnation dans nos cultures, y compris maintenant dans nos manières de penser, de schèmes ou de concepts ou de thèmes philosophiques qui sont généralement mal compris, mais à la limite c'est assez secondaire. Mais qui sont peut-être des portes d'entrée. Mais qui sont des portes d'entrée et qui donnent une actualité, encore une fois. C'était la faute à Rousseau pour expliquer la Révolution. C'est la faute à Foucault ou c'est la faute à Derrida pour expliquer la post-vérité ou le wokisme. Je dirais qu'il faut peut-être partir de ce procès, hein, c'est le procès de Socrate qui continue, qui nous est parfois fait, même si on n'est pas obligé d'adhérer à Foucault ou à Derrida, pour essayer de clarifier les choses. Je trouve que, paradoxalement, c'est une assez bonne nouvelle de voir à quel point on confère à la philosophie encore une influence, fût-elle négative. Ça lui donne un peu des raisons d'exister et puis parfois des occasions de rire. Maxime Catroux. Oui, pour aller encore plus loin dans le sens de ce que disait Michael Fossel, je crois que la philosophie a quand même entamé une phase d'autocritique. Oui, il y a une critique de la raison. C'est-à-dire qu'on arrive à critiquer, les philosophes arrivent à critiquer les éléments de rationalité qu'ils tenaient jusqu'alors pour acquis, les universaux par exemple, qui sont fortement remis en cause aujourd'hui, ou la partition du monde entre nature, culture, et l'humanité étant une sorte d'îlot supérieur au milieu, tout ça est fortement soumis à discussion aujourd'hui par des courants de philosophie et des auteurs très divers, et je pense qu'on peut voir ça aussi comme une force de la philosophie, d'intégrer en son sein cette autocritique assez profonde, puisque là on parle vraiment de ce qu'on a tenu pour être la raison, qui arraisonne la nature, qui cette critique née aux Lumières, elle se prolonge aujourd'hui d'une façon assez inattendue, avec des auteurs et des sujets nouveaux. Donna Haraway parle de façon très belle, je trouve, d'un terme qu'elle forge qui est « significant otherness », pour dire les autres qui comptent et dont nous n'avons pas voulu tenir compte jusqu'à présent. Il y a donc un cercle de compréhension et d'intelligence qui, à mon sens, s'agrandit. Alors, la philosophie transforme sans doute pas le monde, mais elle transforme les représentations qu'on a du monde. Et donc, elle agit à travers ça sur nous et sur nos vies. Thomas Santis, sur est-ce que la philosophie transforme le monde ? Cette question-là, on peut la poser à plusieurs niveaux, bien sûr. On peut la poser comme Marx pour savoir si la philosophie pourra nous permettre, d'une certaine manière, de parvenir à la révolution. On peut la poser également en tant qu'enseignant de philosophie pour savoir si, par notre humble travail d'enseignement, on pourra parvenir à transformer au sens de transformer en quelque sorte non seulement les représentations qu'ont les élèves, mais aussi peut-être la représentation qu'ils se feront de leur propre vie et donc leur cheminement, pour le meilleur évidemment. On peut aussi se la représenter, comme le fait Michael Fussell, dans le champ de la recherche, de l'écriture et de la réflexion philosophique. Et là, la question de savoir si la philosophie peut transformer le monde, je pense qu'elle trouve véritablement une réponse dans précisément dans l'envers de cette agitation actuelle dont a parlé Michael Fussell, qui s'est cristallisé récemment autour du terme de déconstruction, ce qui est particulièrement significatif, effectivement. Nous avons eu ce colloque auquel a participé Jean-Michel Blanquer, ce qui a constitué une... Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste quel est ce colloque ? En janvier à la Sorbonne, Jean-Michel Blanquer a... ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas s'il a présidé, en tout cas il a prononcé un discours inaugural lors d'un colloque qui se présentait comme un colloque contre la déconstruction. La déconstruction étant alors comprise comme une nébuleuse, s'entend de gauche, qui menacerait les valeurs de la République si chères à Jean-Michel Blanquer. On a assisté ici, à la fois du côté des enseignants en philosophie, mais aussi du côté des universitaires, il y a eu de très nombreux écrits d'universitaires après ce colloque, on a assisté ici à véritablement une défaite de la pensée, pour reprendre une expression assez convenue, mais avec cette intervention-là, on a assisté à une mécompréhension profonde de certaines idées qui en réalité sont d'une très grande complexité, celle de déconstruction de Jacques Derrida, qui, comme l'a rappelé Michael Fussell, est une idée ou un terme qui a une portée vis-à-vis de la métaphysique en réalité. Et on a assisté là à une ouverture d'une sorte de débat qui n'avait pas grand-chose d'académique et qui, en réalité, relevait plus de la stricte méfiance, voire de l'invective, envers un processus qui a tous les défauts du monde, évidemment, mais qui, en particulier sous le nom de déconstruction chez Jacques Derrida, et puis ensuite chez certains de ses épigones, je pense à Judith Butler, qui a permis un véritable renouveau de la pensée. Et je crois que ce qui a été appelé à un moment la French Theory, donc je pense à Foucault, Derrida, Deleuze, c'est un très bon exemple de puissance critique de la philosophie, qui en réalité constitue parfois une véritable menace pour un certain ordre établi, précisément parce que en réalité ça révèle ce que nous ne voulions pas nécessairement voir, et ça constitue précisément ce travail assez douloureux, on pourrait dire d'enfantement, cette sorte de maïotique dont parlait déjà Socrate, qui précisément nous ouvre la voie à de nouveaux possibles. Merci beaucoup à vous trois, Maxime Catroux, Michael Fussell, Thomas Santis. Michael Fussell, j'en profite pour rappeler que votre livre Quartier Rouge, le plaisir et la gauche, bien, c'est en librairie et c'est disponible au PUF. On va se quitter avec une chanson qui, je crois, nous n'avons jamais diffusée, c'est étonnant, dans les chemins de la philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi Amel Bent, ma philosophie, vous l'aurez toute la journée dans la tête, c'est bien comme ça, et c'est l'heure quand même, désolé, de retrouver, on arrête Amel Bent, la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi aspirons-nous à l'infini ? Il y a dans l'être humain une étrange capacité qui est plutôt une incapacité. C'est l'incapacité à accepter toute limite, à penser dès que l'on pose une limite, qu'elle soit spatiale, par exemple dans nos représentations de l'univers, oui, allons jusqu'au bout, ou même simplement dans la capacité de nos propres mouvements. Dès que nous posons une limite spatiale, eh bien c'est très simple, nous nous imaginons de l'autre côté. Penser la limite, c'est aussitôt penser l'au-delà de la limite. Et certains philosophes l'ont dit, si nous arrivions au bout de l'univers, eh bien nous pourrions encore tendre la main, nous voudrions toujours sauter au-delà. Ainsi, l'idée de limite elle-même suppose chez les humains l'idée du dépassement de la limite. L'idée de la fin du terme suppose aussitôt le dépassement du terme, suppose quelque chose comme l'idée de l'infini. Mais il y a dans cette conception, dans cette aspiration à l'infini, car ça n'est jamais seulement une représentation neutre, mais un désir, il y a là quelque chose comme un mystère. Et beaucoup de philosophes ont critiqué cette imagination d'un infini comme un au-delà de toute limite. Ils ont même opposé ce qu'ils appelaient, comme Hegel, le mauvais infini ou l'indéfini, cette représentation de l'infini comme ce qui n'a pas de terme, aussi bien dans l'espace que dans le temps, l'interminable ou l'indéfini, par opposition à un bon infini qui est l'infini contenu dans une limite. Par exemple, eh bien, dans un cercle, vous avez en effet un nombre infini de points, mais dans une unité, dans un être humain, vous avez une infinité de représentations, de pensées, mais dans l'unité et dans la singularité d'une vie et parfois de certains actes dont on peut approfondir les motivations à l'infini sans pourtant sacrifier leur réalisation concrète. Il y aurait donc de bons et de mauvais infinis et l'aspiration humaine à l'infini serait plutôt critiquée comme une illusion subjective à laquelle il faut préférer la réalité des infinis concrets, des infinis contenus dans une unité absolue. Pourtant, cette aspiration à l'infini, elle vaut peut-être moins par son objet, qui est cet infini toujours reculé, que par son sujet. L'aspiration à l'infini, que nous révèle-t-elle de l'être humain ? Beaucoup de philosophes, par exemple Kant, ou bien Emmanuel Lévinas, dans « Totalité et infini », ont fait de cette aspiration à l'infini le signe non pas d'une illusion métaphysique, mais d'une aspiration morale de l'être humain. Les êtres humains valent par leur aspiration à l'infini qui montre qu'ils ne se réduisent pas seulement à une chose et à ce monde. L'aspiration à l'infini signale pour Kant la présence de la liberté dans l'être humain et pour Lévinas le désir de la transcendance, le refus de réduire notre être à quelque chose de ce monde et c'est pour Lévinas l'ouverture à la responsabilité morale des humains par-delà l'être, au-delà de l'être, nous dit Emmanuel Lévinas. Il faut aller dans leur sens, mais peut-être encore plus loin d'une manière plus précise. Aspirer à l'infini, quand en faisons-nous en réalité l'expérience ? Nous aspirons à l'infini quand nous faisons l'épreuve d'une souffrance morale, d'une violence ou d'une destruction. Et là, en effet, nous voudrions dépasser ce que certains appellent notre finitude. Pourquoi aspirons-nous à l'infini ? Demandons-le nous, pourquoi et aussi contre quoi ? Merci beaucoup Frédéric, votre chronique était écoutée, réécoutée sur le site de France Culture à la page du pourquoi, du comment. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philo, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Thaïs Eloi Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Nicolas Berger et Louise André à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Frédéric. Vous pouvez réécouter cette émission eh bien, sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour cette semaine et maintenant la philosophie. Et demain, ce sera la philosophie face à la démocratie et ce sera avec Vincent Peillon. À demain sur France Culture.